Bonjour tout le monde, spécial hip-hop créole dans Conelambi sur Radio FPP. Et on va démarrer tout de suite avec une spéciale hip-hop soul créole. Écoutez ce premier morceau d'introduction, elle s'appelle Inès Kaï, le morceau s'appelle Anti Chimela. Tu es lié, tu es lié, tu es lié. Mais quand même pas tout qu'à faire ni. Tu es lié, mais quand dit mes bas tout, on fout la yéni. Tu es lié, on fout la yéni. Tu es lié, mais quand tu gars ouais moi dans Google mais. Tu es lié, ouais me fout mon. Tu es lié. Bila we, atoy min chelimye. Mendono we, mukula we. Comme ça, Zola, rete ou là ou pas savez, ça a une idée. fille ou peke rive juste là. Zola, pas fait si, pas fait ça, ça te que moi mais y'a pas vous alors goûter. Boucha moun pe bat mais ou pas ka koute yo pas sou fort en dit donc. L'esprit a moun fermé, ou pas ka ochipe ou fort en dit donc. Si c'est ri ou besoin ri, ou ka fait sans souci ou fort en dit donc. Si c'est li mien ka chaye, ou peke je la tche, ou fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit donc. Fort en dit donc. Ou pas ka koute yo pas sou fort en dit donc. L'esprit a moun fermé, ou pas ka ochipe ou fort en dit donc. Si c'est ri ou besoin ri, ou ka fey sans souci ou fort en dit donc. Vous avez vu, la spéciale hip-hop créole aujourd'hui est consacrée à une musique sœur du hip-hop créole qui est la soul créole. Vous avez entendu en tout premier un morceau de Inès Kahi de son album Amazon La, le morceau s'appelle Antichimela. Et à l'instant, vous avez pu écouter une autre chanteuse qui s'appelle Corinne Pierre Fanfan, on va dire un coup de cœur de l'émission avec le titre Oufo. Et donc voilà, Inès Kahi, Corinne Pierre Fanfan, deux titres que vous pouvez acheter sur leur site Bandcamp respectif. Et on va continuer maintenant en se rapprochant encore plus de la couleur hip-hop créole avec deux extraits de l'album de Mimi Nelzi, Creole Seasoning, produit par deux artistes, deux producteurs importants du mouvement hip-hop créole et plus largement de la musique Kako. On va commencer avec La vie qu'a continué par Mimi Nelzi. L'amour, musique, allez, viens faire. caché, les entrattes en doux, en moins qu'à rentrer. Mon quoi quelle histoire nous, qui enfin je dis, peut pas sacrifier tout ça en Jani. Pour l'amour en Jabaye, tout ça nous construit, c'est le train en péraille. Con Lambi, spécial hip-hop créole. Et dans la spéciale hip-hop créole, on va faire aujourd'hui une spéciale soul créole pour vous présenter le concept de l'émission qui aura donc lieu tous les dimanches de 16h à 17h pendant ce mois de juin. Nous allons faire une spéciale hip-hop créole. Chaque dimanche, nous allons choisir une thématique. Aujourd'hui, soul créole, à l'instant, vous avez entendu la voix de Mimi Nelzi, premièrement sur une production de Exos. Le morceau s'appelait La vie qui a continué. Et à l'instant, Envie, une production de DJ Phony. Pourquoi ce choix? C'est en particulier parce qu'on a des producteurs de hip-hop créole qui se sont illustrés avec des chanteuses de soul, notamment à travers la mouvance Kako. Et donc voilà, on a commencé, on va dire, en douceur. Et maintenant, on va passer dans un style un peu plus rap, mais toujours avec des albums très connotés soul. Et je voulais d'abord faire un focus sur l'album de Rachid Mankamaché. Et on va écouter le titre éponyme tout de suite. Con Lambi, spécial hip-hop créole. C'est pas joli à manquer, ouais. Ça m'a fini fait assis la terre, ouais. L'ennemi qui a tombé assis fort fort. Désir moins clair, mon cœur m'a chier. Ça marche, ça marche, vibe high, qu'on s'il arrive qu'à parler avec voix high. Qu'on nous met mini mémoire high. Soleil ou qu'à marcher à souille, faux, ça vaut là ou kai. Qu'a-t-il en tête aïe n'aïe. Au souhait en qu'est marché en chai. Guy die, most high. Au souhait, m'en pégé d'oïe. Au souhait. ka mache. Mwen ka mache. La ria ka pale au présent au passé. Consil les feux autant déjà piégé yonde. Ka joué epi nom kon epi grande. Sotia nous blende, la kalilende. Ka jembe ridim kon belle ou djembe. MC address la pou check vibration. Sans ka wè c'est l'inspiration. Ka mache. Ka caresse silence. Ek fey tourne parole, ça c'est en science. En séance pour élever conscience. Guidance epi moi mani confiance. Mi en confidence. Tout ça pour moi c'est en chirance. Ambiance ta la ka fait moi feel haya. Mi plaisir, matché, poésie. Jaja, merci papa. Mani lyrics ta la. I son en mette moi high. Mani lette high. S'il vous plaît jouer encore. I son en mette moi high. Mani lette high. Couchez les manies en sa yo, son. Yo. Sound, vibe underground. J'aimerais t'es si en princess. En pas t'es vin pour t'es fuck around. En fait job moi au mic. Même si girl a fait moi feel fresh. Black S, coulé l'ennui de l'infini. En mandé, jatini, contrôlé, vini. Plus près en ouais, j'en étais mimi. Près sans ni bligidi. Fais mes yeux, mes Fiji, mimi rivini. Cadence et balance en pensée moi en genre. Sensuel, sexy, en senti pression, pas c'est Pepsi. En fait style, pas capté, mais si stratège à suivre. Ça qui t'est passé dans tête MC. Si je tue ton way pas qu'à déguer n'en dit. Après show assez avec lui, m'en les parties. Sans même y parler, m'entendre les caddies. Bien en Conlambi, spécial hip-hop créole, nous écoutions Rachid Mankamaché, artiste de Martinique, et nous partons maintenant en Guadeloupe avec Benaja et Mimi Nelzi en profondeur. J'ai besoin d'un ami, d'un vrai, et qu'il soit en profondeur. Je prie pour que la vie t'embrasse, je prie aussi pour qu'elle te baisse. J'ai besoin d'un ami, d'un vrai, et qu'il soit en profondeur. Connecté sur scène, connecté hors scène, connecté quand tout va bien et quand il y a des problèmes. Connecté mais toujours dans le respect des différences. Ou quand la flamme de l'amitié perd de son incandescence. Lié par l'amour de Dieu et non l'amour du vice. Pour les plus sceptiques, on a l'amour du risque. On aime exposer notre foi au grand public. Témoignant de ce que Jésus fait malgré les critiques. On est comme deux brebis suivant le même berger. Deux âmes souvent percées par les mêmes versets. À la fois proche et lointain comme l'aube et l'aurore. Chaque moment passé ensemble, je les vis comme un temps mort. Tes encouragements sont comme comme du vent qui gonfle mes voiles. Tes conseils sont dans mes nuits comme des scintillements d'étoiles. Dans le livre de vie, je crois que ton nom est près du mien. Ce que je souhaite pour mon foyer, je le souhaite pour le tien, frangin. Je prie pour que la vie t'embrasse. Je prie aussi pour qu'elle te baisse. J'ai besoin d'un ami, d'un vrai, et qu'il soit en profondeur. Je prie pour que la vie soldat, notre amitié me fait penser à la respiration. Tu inspires mes mauvais traits de caractère et tu expires de l'amour dans mon atmosphère. Tu m'as vu au plus bas, mais comme un ascenseur, tu m'aides à aller plus haut de l'engrais dans le champ de ma foi. On a la même soif de vivre pour le très haut. Devant le mic, on a fait des heures supplémentaires. Dans la vie, tu m'as soutenu quand je n'ai pas su comment faire. L'amitié, c'est nous amener dans des eaux où on a papier. Mais confiance, on se complète comme l'encre et le papier, c'est sûr. L'amitié n'empêche pas les ratures, mais le pardon efface même les plus grosses ratures. Ensemble en temps de paix, ensemble en temps de guerre, je te garde, toi et ta famille, dans mes prières. Si nos vies sont des arbres, l'éternel une bonne terre, frère, que tes racines s'enfoncent profondément. Je prie pour que la vie t'embrasse. Je prie aussi pour qu'elle te baisse. J'ai besoin d'un ami, d'un vrai, et qu'il le soit en profondeur. Je prie pour que la vie t'embrasse. Je prie aussi pour qu'elle te baisse. J'ai besoin d'un ami, C'est vrai qu'avec les années, mon planning devient plus chargé. Mais je veux te le redire, surtout n'hésite pas à appeler. Tu es un ami fidèle, car tu as su me ramener quand je fuyais face à la vie comme la nuit face au soleil. Les vrais amis, on a vie encore plus belle. Ne devenons pas les Caïn qui assassinent Abel. Merci d'avoir mis ton index délicatement sur mes défauts. Merci pour l'écoute et pour la sincérité de tes mots. La vie est violente comme un bac plus 7 au RMI. Mais le fait de communiquer apaise les insomnies. Faut là des fois ton frangin s'affole comme un feu follet. Mais reste là pour décoller dans la vie, je dois être épaulé. On a soif de vivre comme un bébé au sein de sa mère. En toi je vois un fils, un mari, un futur père. Ne nous laissons pas entraîner par des vents de disputes. Comme de la rue, frangin, les problèmes ça se discute. Yo. Ah non, non, elle est trop belle celle-là. En plus c'est tellement vrai. Ah ben c'est vrai, tu m'as les problèmes ça se discute, frangin. C'est vrai mec. Mais en tout cas ça me fait plaisir. Plaisir de bosser avec toi. Moi aussi frangin. Ça fait un moment, j'espère que ça va continuer. On change encore de style après Benaja en profondeur et avec Mimi Nelzi en featuring. Maintenant c'est la Chichivé, le titre s'appelle Feitune avec la chanteuse Mado. On veut dans moi la musique à couler, couler. On est en moi qu'à jouer tous les jours. La vie à bout de nous qu'à goûter. Attends de jouer là où la clé tournait. Tourner en boucle, consembler un. Toujours même douleur, toujours même. T'es pas ni dormi, pas ni temps pour jouer. Pour nous qu'imbé, qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Qui t'es musique la tournée. Gère moi quand tu t'es coulé. Ou quand pour moi l'aile est moi qu'a tout fait. Et moi tout bout, la tour moi courbé. Tournez en bout, compte en boulin. Dites moi la vie qu'a danse à tous les jours. Qui a d'entrée qui pas qu'à bout de main. Avant de tout dire, quitte tes musiques la tournée. Quitte tes musiques la tournée. Lève la poussière comme un bon vieux disque de Miles Davis. Sans fin, jusqu'à ce que j'en perde la boussole. Façon pas destination, définie, innovation infinie. J'ai le feeling jazzy blues. Mixe les couleurs de mes influences et mes souvenirs d'aujourd'hui dans une peinture bien pure. Pour éviter qu'ils finissent et avant que je salisse. C'est comme ça qu'on voulait passer toute la journée. À tes des pieds moins qu'à toucher. Laissez-moi ouvert, en tourbillon coulé. Dans nos chauffolets, sans dico en tout. Son look a fait nous bouffer. Son yaka souffler. Senti qu'on a bougé. Il passe la carte booster. tribulation, la vie qui toujours fait. Putain, musique la poulet. Elle tout musique la poulet. Putain, musique la poulet. Putain, musique la poulet. Putain, musique la poulet. Elle tout musique la poulet. Putain, musique la poulet. À l'instant, extrait du tout nouvel album La Chéchivée Création, vous avez entendu Mado featuring avec Alphaz du collectif La Chéchivée, scratch de DJ Tony Blanc, composition de moi-même EDS du collectif La Chéchivée avec Manuel Mondésir. Et on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas pris l'émission depuis le début. Vous êtes bien dans Conlambi, spécial hip-hop créole, aujourd'hui consacré à une musique sœur du hip-hop créole qui est la soul créole. Pourquoi ? Parce que chaque dimanche du mois de juin, vous allez entendre une spéciale hip-hop créole avec à chaque fois une thématique, une couleur différente pour vous faire découvrir un peu cet univers. Et soul créole aujourd'hui, mais aussi parce que nos invités G-Scalp et Fripon sont tout à fait, on va dire, dans cette veine. On va leur parler dans quelques instants, vous pourrez découvrir tout ça. Et on va rentrer de plein pied dans le vif du sujet avec un titre du rappeur NDX composé et en featuring l'homme Fripon, et c'est tout de suite Hip Hop Président. Présidentiel, si les hip-hop bêtes, pas moi les b-boys, les graphiques qui ca big up, les boucs qui ca fait beatbox, qui ni hip-hop pour icône. Y'a un premier ministre pour nous prendre décision juste. Trouver des solutions, pas industrie à 10 ans en crise. En première décision, faire rap la changer vision, affirmer les positions, les wak propositions. Pour faire plus l'argent, rentrer en caisse à l'état, qui est obligé de vendre ce dev, prohiber MP3. Maintenant, PayPal, les CZEB là illégal, sont à tout pas quand que ni pour une nationale. Les decks à NO. Mais tu en expo, nation à hip-hop qui fait la guerre avec techno. Yo qui dit indi gouverné sans répit, juste sans les ennemis bizarres d'être mec en qui l'est. En tes présidents, hip-hop président, les camachés élégants, toujours fraîche, toujours élégant. Hip-hop président, rêver en tes présidents, les camachés élégants, toujours fraîche, toujours élégant. Hip-hop président. Gauche et droite, rap conscient pour les socialistes. On y rap capitaliste, rap extrémiste pour les puristes. Premier ministre affligant, que bois d'amour et chira. On qui organise concert pour réunir magistrats. Tous les rappeurs qui minent, qui fait battle en Irak. On peut faire si la bruni, on qui malmené trina. Album en main qui a chanté Patrilla. Disco d'or en main qui finance victime à Katrina. On qui vire ennemi à bouche, pour éviter qui fait mes sous. On qui crie West Weekend en vos couleurs assez pour tous. En réveillant tes présidents, car c'est la nation éveille, guitare à Fripon. En toute sorte du symbole, apprendre à rapper à l'école. Caponner la différence qui fait la paix avec Denson. En réveillant tes présidents, hip-hop président. Mettre musique en quai à nègre et rapper au gouvernement. Hip-hop président, hip-hop président, hip-hop président, hip-hop président. Yeah. dernier jour là moi check fou. En pas jamais quoi baby nous t'es qui finance mais dans passé et je dis femme moins connaître vous. Impossible quand c'est passé moi instant sans vous. Non mais moi qui fais tout moi pas pète fou. Moi désir moi coupable au royaume innocence. Averse de love and respect from. Is it just that moi disais que moi puis ça va bien moi en sens. Si bon faut dire bon. Si bon et dit bon. Yeah. Si bon faut dire bon. Problématique, l'esprit en moi qu'a dit vague, journée collant juif, en l'air des pensées qui pas forcément romantique, pas rêver en l'air au brain ou bien assis au ex-car, fantasme la réciproque, au-delà de ça, il y a un doute, sentiment en moi pour en ouaille sans détour, si qui j'en en cas senti moi, oh wow, qui j'en en cas senti moi, oh wow, come on, come on. En cas senti qu'est en pas bizarre, connaît encore aïe d'autres, ça au cavoyer, sans voix plus fort, en pas arrivé défini. On melting, pot à good vibe, qui qu'a fait, qu'est moins bien, oh wow. Do, want to jump, so moi avoué, que l'aime moins, oh wow. Conlambi, spécial hip-hop créole. Moi, c'est EDS du groupe Scud Squad, du collectif La Chichi V. On a carte blanche donnée par Pascal et l'émission Conlambi tous les dimanches du mois de juin pour notre spécial hip-hop créole. Connectez-vous tous les dimanches de 16h à 17h. Aujourd'hui, nous recevrons deux artistes qui chantaient à l'instant sur le titre Aïe Aïe Aïe, l'homme G-Scalp avec Fripon. Bonjour G-Scalp. EDS. Donc avant de te présenter plus amplement, je vais rappeler tous les artistes qu'on a entendus depuis 16h, depuis le début de l'émission, parce que ce sont des artistes très productifs. En général, ici, on s'attache à présenter des albums que vous pouvez retrouver dans le commerce, que vous pouvez retrouver sur les plateformes de téléchargement légal. Donc on va citer Inès Kai pour son album Amazon La, Corinne Pierre-Fanfan, avec le titre Oufo, des morceaux que vous pouvez retrouver sur leur site Bandcamp. Renseignez-vous, n'hésitez pas. Mimi Nelzi, son album Creole Seasoning, très très bon album à acquérir également. L'album de Rachid Mankamaché, rappeur de Martinique, avec un album très teinté soul. Benaja, avec Mimi Nelzi, l'album s'appelle Soif de vivre. La Chéchivé Création, qu'on a écouté également avec la chanteuse Mado, NDX pour sa mixtape Hip Hop Addiction. Et donc, on a terminé avec G-Scalp et Fripon pour le projet de G-Scalp qui s'appelle donc G-Fit. C'est ça. Alors, G-Scalp, dis-nous un peu pourquoi ce G-Fit, que signifie G-Fit et voilà, où est-ce qu'on peut acquérir ce projet? Ben écoute, déjà le projet, il est en téléchargement libre. C'est fait exprès pour vous faire découvrir un peu ce que je fais. Donc on peut retrouver ça sur ma J-page, la J-page officielle sur Facebook. Et même en tapant ça dans le moteur de recherche Google, J-Fit, c'est-à-dire que ça s'écrit G-F-E-A-T, qui est l'abréviation de featuring. Et on tape ça dans Google et tout de suite on tombe sur différents sites comme Calotte, Lyrical, comme Madine Musique, comme mixi.fr, enfin tous les sites qui ont bien voulu héberger mon projet en téléchargement libre. Donc avec le lien, vous cliquez, ça arrive tout de suite. Et pour répondre à ta question, c'est-à-dire en décembre dernier, à la suite d'une secret session que moi et mon collectif, on a organisé, le collectif d'ailleurs dont je fais partie s'appelle le 63 Prod. On a organisé un concert en novembre et à la suite de ça, ça a bien plu aux gens. Ils m'ont dit, ouais, G-Scalp, on veut du son de G-Scalp, où on peut télécharger ça, où on peut trouver ça, tout ça, tout ça. Et à partir de là, j'ai décidé de sortir des sons qui étaient plus ou moins connus ou pas du tout. Dans le tiroir en caisse, dans le fond de tiroir, et de mettre ça à disposition du public, qu'il puisse patienter avant les projets plus sérieux. Donc c'est comme ça qu'est né le projet G-Feed que j'ai mis en téléchargement la veille de la Noël, c'est-à-dire le 24 décembre, comme un peu un cadeau au public, aux followers du 63 Prod et de plus précisément G-Scalp. Donc voilà. Ok, très bien. Donc on a introduit à l'instant donc Aïe Aïe Aïe que vous retrouverez sur ce projet avec Fripon. Donc pourquoi nous recevons G-Scalp et Fripon dans cette spéciale hip-hop créole consacrée à la soul créole? C'est parce que d'une part on a avec nous un artiste hip-hop qui baigne vraiment dans un univers soul, et Fripon, un artiste soul qui lui a pris ses racines dans le hip-hop, dans le rap. Donc voilà, ça permet en même temps de présenter le collectif d'artistes 63 Prod qui est très très très actif sur la scène parisienne, donc et qui met l'accent donc sur la scène et sur un contact direct avec le public. Je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui vous caractérise et que vous faites assez bien. Moi j'ai vu que tu te présentais comme un artiste hip-hop acoustique. Je voulais savoir pourquoi ce choix, comment tu en es arrivé à te définir en tant que tel et non pas un rappeur hardcore, street ou autre étiquette. D'accord. Ben, je pense que c'est la maturité. Hein. Bon, on a tous commencé. Bon, ben, moi, j'ai commencé à m'enregistrer sur cassette en mode re-re, tout ça, où il fallait faire des one-shots d'un coup. Et puis, c'était une piste de bac. Si tout était foiré, il fallait tout recommencer au début avec des moyens rudimentaires. Donc, c'était à l'âge de 13-14 ans. Donc, en ce temps-là, c'était les instruments qui passaient sous la main, qu'on chopait. Donc, moi, je pouvais poser sur du NAS, comme sur du TLC, comme sur du Raga Sunnit. C'était à l'époque en Martinique, tout ça. Mais je posais surtout et de manière plus ou moins douce ou plus ou moins hardcore. Mais ma personnalité, elle est assez posée, calme. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des morceaux hardcore et je continue toujours à en faire des fois qui tapent un peu. Mais c'est vrai que par rapport à ma personnalité, ça aurait été contraire de faire des morceaux tout le temps street et hardcore. D'ailleurs, la street proprement dite, c'est vrai que je la connais pas personnellement puisque je viens pas de la rue, donc ça veut pas dire que je peux pas faire du son street, mais quelque part ma personnalité fait que je fais des morceaux un peu plus réfléchis, plus conscients et écoutant pas mal de dancehall, j'ai cette influence qui est un peu chantée, qui est un peu mélodieuse, donc c'est pour ça que c'est naturellement que je me suis dirigé vers cette musique. Et j'ai compris en arrivant sur Paris et en formant le collectif 63 Prod avec Fripon Dasoul, je me suis rendu compte que le fait de mettre des instruments vrais, c'est-à-dire de vrais musiciens, à ma musique, ça apportait un plus à mes paroles, à mes lyrics. Donc ça a été comme une évidence pour moi de commencer à faire du hip-hop acoustique. C'est vrai qu'à l'époque, en 2008, il n'y a pas grand monde qui le faisait ou qui avait osé le faire. Ou sinon, j'étais pas vraiment au courant encore de ces différentes personnes qui faisaient ce style de musique. Mais je me suis embarqué là-dedans parce que dans mon entourage, c'est ce qu'il y avait. Beaucoup de musiciens et j'étais le rappeur. Il fallait amener la touche. Donc, ça s'est fait un peu naturellement sans vraiment y réfléchir, quoi. D'accord, donc dernièrement, on a pu te voir, j'étais même passé donc, à ton concert au Cariatide. Yeah, c'est ça. Il me semble que ça s'était bien passé, le people était au rendez-vous. Yeah, c'était ça, c'est en fait, le concert c'était le 11 mai au Cariatide dans le 2e arrondissement. C'est un bar-restaurant. Et j'ai fait ce concert pourquoi ? Par rapport à l'engouement justement du G-Fit qui a bien tourné depuis décembre. Les gens, ils ont ça dans leur lecteur MP3, dans leur voiture. Le matin, quand ils se réveillent, ils me disent que ça leur donne du boost, de la pêche, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas finir en beauté, puisque je pensais pas que ça allait créer un tel engouement. Pourquoi pas finir en beauté, de donner à ce public qui a apprécié le G-Fit l'occasion de voir tous ces artistes, en tout cas la plupart de ceux que j'ai invités sur le G-Fit et qui sont présents sur Paris, l'occasion de voir les visages, de voir les têtes, de leur présenter les morceaux en live. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le son dans les oreilles et tout, mais quand tu vas dans un concert, tu prends vraiment la vibe, la température des gens. Je trouve ça super. Donc là aussi, l'idée est venue un mois avant le concert. Pourquoi pas faire une G-Day, puisque c'est comme ça que j'appelle mes concerts, où je présente mon répertoire, ça s'appelle des G-Day. Donc là, j'ai décidé de faire une G-Day spéciale G-Fit où il y avait Fripon, Dasoul, Crash, Ozone qui n'a pas pu être là en dernière minute, tout ça. Et il y a eu également Bakary. Et en première partie, j'ai invité Corinne Pierre-Fanfan qui a fait 3-4 titres. On a écouté à l'instant. Voilà, et qui baigne aussi dans cet univers et dans notre entourage avec de la soul. Donc ça s'est, oui, très très bien passé, un bon retour. Les gens, ils m'ont dit clairement, ouais, c'est comme s'ils avaient un CD, c'est comme s'ils avaient acheté le CD de Eric ou d'Izzy Kenanga et qu'ils n'avaient pas arrêté de l'écouter en boucle et de pouvoir voir ces mêmes morceaux reproduits avec des vrais musiciens sur scène, avec basse, cajon, clavier, tout ça, choriste. Ils m'ont dit que wow, c'était génial pour eux, c'était comme s'ils assistaient à un concert de leur meilleur artiste. Donc c'est les retours que j'ai eu par rapport à ce projet G-Fit. Voilà. Donc comme on a vu dans tout ce que tu as expliqué, pour toi c'est donc la musique avant tout et le partage avec le public. Il se trouve que nous sommes dans une émission tout de même spéciale hip-hop créole, très attachée à cela. Donc je pense que tu ne t'étiquettes pas forcément hip-hop, puisque tu ne chantes pas que sur des scènes hip-hop face à un public hip-hop ou avec des artistes hip-hop. Toi, quelle approche tu as du hip-hop créole ? Ben écoute, parce que tu rappes tout de même en créole. Oui, beaucoup souvent. En créole, souvent en créole. Et alors moi, c'est sûr que avec cette maturité également, on sait tous que le hip-hop, il peut se marier à plein de choses. C'est-à-dire que comparé à d'autres styles musicaux que je ne vais pas forcément citer, après, bon, bien sûr, il y a toujours une passerelle entre un style musical et un autre, mais c'est vrai que le hip-hop a cette richesse qu'on peut marier avec tout. On peut, bon, je vais dire hip-hop soul, bon, la soul c'est toute proche, mais on peut sampler de l'opéra, on peut sampler de la musique chinoise, on peut mettre toutes sortes de mélodies sur un beat hip-hop et l'imbriquer pour faire quelque chose de nouveau. C'est ça qui a cette richesse au niveau du hip-hop. Maintenant, après, moi, je me suis rendu compte qu'on peut faire ça et que, quelque part, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien discuter, aller à la rencontre de l'autre, mélanger les styles, les trucs. Je ne suis pas fermé sur un style particulier. Je n'ai pas forcément d'idée préconçue de ce que l'autre fait, de l'univers. Je pense que c'est une richesse. Donc, à partir de là, moi, je dis juste que ma voix, elle est hip-hop, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que dernièrement, que voilà, le hip-hop, il est dans ma voix, dans mon grain, dans mon style, dans mon écriture, et qu'à partir de là, la musique, elle peut être tout autre. Elle peut être comme vous avez fait le collectif La Chéchivé, avec des samples de Belay derrière. Moi, à partir du moment où je rappe, pour moi, j'appelle ça du hip-hop, hein. Même s'il y a ma voix et la musique derrière, elle ressemble à rien de hip-hop. Pour moi, ça reste du hip-hop, parce que ma voix, je la prends comme un instrument hip-hop à part entière. Donc, je peux la mélanger avec n'importe quoi. Moi, ça ne me pose aucun souci. Autant, on peut écouter même au son, on pourra dire, ouais, mais Giscalp, les beats, ils sont hip-hop toujours, ça reste quand même strict derrière. Je dis, non, c'est une évolution, une maturité, et voilà, on y arrive petit à petit, quoi. Donc, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question basique. Non, mais c'est, voilà. Non, c'était très intéressant, et ça permet aussi de préciser que tu as plusieurs casquettes, tu n'es pas que qu'interprète, que chanteur, que rappeur. Au sein de ton collectif, donc 63 Prod, j'ai cru comprendre que vous avez votre propre studio. Donc tu as la casquette d'ingé son, je crois que tu composes également. Donc est-ce que tu peux nous parler de ces autres casquettes, puisque on va dire que il y a quelque chose quand même de très hip-hop dans votre démarche, qui est la débrouillardise et le fait de faire soi-même les choses, d'organiser les scènes, etc. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces aspects? Ben ouais, je pense qu'on est, moi, sous les fripons dans cette même optique, c'est-à-dire que bon, on a toujours eu cette musique dans notre sang dès adolescents, et qu'on n'avait pas forcément les moyens autour de nous pour pouvoir faire notre musique. Donc on était obligé de se débrouiller chez nos parents avec un lecteur cassette, un truc qu'on leur empruntait, et pour bidouiller notre son très tôt. Donc pour nous, c'est une continuité. On a toujours fait ça. Après, les ordinateurs sont venus très tardivement, en tout cas pour moi. Et voilà, donc on a toujours grandi un peu dans cet esprit débrouillardise, oui, qui est hip-hop, ma foi, puisque bon, les moyens ne sont pas toujours à disposition, parce qu'on est en Guadeloupe, parce qu'on est en Martinique, et même en étant en métropole, ce style musical n'est pas forcément un style où tout d'un coup, on a tout ce qui est mis en place pour pouvoir développer ce style qu'est le hip-hop. Donc on est obligé de se débrouiller, et au-delà du fait, au-delà du milieu antillais même, hein, je pense que le hip-hop parisien aussi, c'est la débrouillardise. Donc nous, on a toujours grandi comme ça, évolué comme ça, et pareil, lorsqu'on est arrivé en 2008 sur Paris, enfin pour moi qui sortais de Montpellier, on s'est dit oui, on veut se produire, on veut faire de la scène, on est en train de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des CD, des téléchargements, les gens ils écoutent plus comme avant, ils consomment, ils mettent à la corbeille, on sent que les gens ils veulent revenir à quelque chose de proche avec le public. Donc on dit, on va essayer ça. On a commencé à gratter 2-3 accords dans le métro, parce qu'on savait pas du tout qu'est-ce qu'on faisait et vers où on s'embarquait. Donc on a commencé à avoir des sourires, des gens qui kiffent, des gens qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui nous disent de ne pas abandonner, tout ça. Et ça nous a fait prendre une certaine conscience, une certaine assurance en nous. Et après ça, on a commencé à démarcher un peu les bars dans Paris. Là où on a commencé, c'est dans le premier arrondissement, c'est le Kélus Café. Pour ceux qui nous suivent depuis les débuts, il y avait également à Rue Saint-Maur le Carbet Créole, où on a fait pas mal de scènes là-bas. Il y a le Café Créole aujourd'hui à Beaumarchais Boulevard, qui est toujours ouvert. Donc on a commencé par ces petites scènes, tout ça, et en faisant découvrir notre musique au public, mais toujours n'attendant pas que l'autre le fasse pour nous, puisqu'on n'a pas de manager, ce genre de choses, en tout cas, en ce qui me concerne. Donc, si je peux passer un message à quelqu'un qui voudra bien nous donner un coup de main, mais bon, je n'ai pas de manager. Donc, en tout cas, on a été obligé de faire les choses par nous-mêmes, se débrouiller. Donc, voilà pour l'aspect live de la chose, l'aspect scène, y aller au culot, hein, tout simplement. On fait écouter tant de musique, ça plaisait des fois, donc on y allait. Ça plaisait pas d'autres fois, donc la porte se refermait. Mais on continuait toujours à aller vers de nouvelles personnes et démarcher notre musique en live comme ça. On chante, hein, on fait une audition, on arrive devant les gens, c'est le patron du bar ou du truc. Hop, on lâche nos lyrics, guitare ou pas, a cappella, ça parle ou ça parle pas. Donc c'est très simplement qu'on démarche nos scènes, en fait. Et après, oui, moi, j'ai plusieurs casquettes. Très tôt, comme je te disais tout à l'heure, je me suis toujours enregistré. J'ai toujours aimé ça, hein, être derrière le micro en tant qu'artiste ou être derrière la technique, l'ordinateur ou pas. J'y trouve mon compte pareillement. J'adore la technique, j'adore mixer les sons, enregistrer un peu comme ça. Donc, je m'y retrouve carrément. Et j'ai eu la chance à l'âge de 24 ans de quitter la Guadeloupe et d'aller faire des études dans le son à Montpellier. J'ai fait 2 ans, donc j'ai été diplômé technicien son, studio, un peu de radio, un peu de live également. Donc ça m'a permis d'avoir les bases un peu pour pouvoir mettre ma musique un peu plus en avant, la rendre un peu plus léché, on va dire, techniquement, et également de mettre ses compétences au service du collectif 63 Prod, puisque lorsqu'on a commencé, on a investi dans notre propre matériel, table de mixage, pied de micro, tout ça, pour qu'on puisse aller n'importe où. Je traînais la grosse valise, la grosse mallette, là, tout ça, avec le matériel, où on allait dans n'importe quel bar. Le but, c'était de se brancher et de donner la musique aux gens, parce que c'est ce qu'on aime. Donc, voilà un peu pour l'histoire. Et je compose un petit peu, étant sur ordinateur, étant rappeur. Donc, j'ouvre le logiciel, j'essaie de faire des petits trucs. Bon, on ne connaît pas encore vraiment ce que je fais comme composition, mais j'espère mettre ça très bientôt en avant aussi, quoi. Donc, voilà le grand monologue. Ok, donc G-Scalp, beaucoup de choses à dire. Un passé riche, mais bon, il faut aussi savoir ce qui se passe derrière. Souvent, on voit juste le produit fini, mais en amont, il y a beaucoup de choses qui se préparent. On va profiter pour faire une petite escapade musicale, justement sur, on va dire, cette construction de 63 Prod, avec un morceau de Fripon en featuring avec G-Scalp qui s'appelle « On joue ». Y'a pas de smile, pas de maille dans mes poches, dans le cœur y'a plus de vibe. Hard time, les larmes pleuvent de mon corps. Pas de smile, la tête pleine de sous-sailles. Plus de place de mon planning pour le strass et le styling. Pas de smile, aucune raison que ça aille. Je broie du noir et dans ma tête c'est kamikaze banzai. Y'a pas de smile, fais pas d'arakiri. Dieu m'a donné la vie, je suis un homme, j'ai des failles, mais il ne faut pas que je m'en aille. C'est ni on joue pour plaire, on joue pour sourire, on joue pour en vivre. Aussi. On joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour en vivre aussi. On joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour plaire, on joue pour sourire. Scalp. Yeah, smile my nigga, keep your head up high, always high my nigga. Yeah, la vie est trop belle, qu'il pleuve ou qu'il grêle. Prends comme modèle le sourire scalpel. Regarde, on est libre, l'air nous enivre. Fais des gestes, personne nous en prive. Cette vie mérite d'être vécue. Tous les jours qu'est, bon Dieu fait joue. Même si on joue pour plaire, pour sourire, on joue pour en vivre aussi. On joue pour sourire, on joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour plaire, on joue pour sourire, on joue pour en vivre aussi. On joue pour plaire, on joue pour sourire, on joue pour plaire, on joue pour sourire. On joue pour parler, dis ça ouvre. On joue pour rester, écouter. On joue pour envie, on joue pour choisir. Pas souper qui est béni, tout à dans on vit. On joue pour chercher, on joue pour trouver. On joue pour tomber, on note pour lever. On joue pour tout bout, on joue pour ciser. On joue pour réfléchir avant agir. Ni on joue pour marcher, on joue pour courir. Ni on joue pour partir, mais songer, virer. Ni on joue pour vous, on joue pour moi. Mais c'est un tous les jours, c'est un bon Dieu. Spécial hip-hop créole dans Conan Ambi, EDS du collectif Lâché Chivé. Et on a reçu aujourd'hui le rappeur G-Scalp du 63 Prod. On peut annoncer, je crois, que le 63 Prod organise un événement le 10 juin. En une seconde, est-ce que tu peux nous inviter les gens à vous rejoindre le 10 juin ? Alors, ce qu'on fait le 10 juin, ça s'appelle la Big Session. C'est-à-dire que tout au long de cette saison 2011-2012, on a fait ce qu'on appelle des secret sessions, des petits concerts intimistes avec vous. Et là, on va finir sur la Big Session pour clôturer cette année. Donc, il y aura Fripon, il y aura Sébastien Drumeau, il y aura Célia Wa, il y aura la team My Live. Donc, bien sûr, il y aura du live et on va retracer les années 80-90. Donc, il y aura du rétro zouk, du rétro dancehall et du rétro hip-hop. Et il y aura des musiciens en live qui vont reprendre des standards que vous connaissez de ces années-là. On va écouter G-Scalp dans une seconde, juste pour annoncer que la semaine prochaine, toujours dans la spéciale hip-hop créole sur Radio FPP, nous allons recevoir l'artiste La Gâchette, qui va nous présenter son projet très original Flexence, et on aura encore une thématique nouvelle. Donc aujourd'hui, c'était Soul Créole. Et on va écouter tout de suite G-Scalp dans un petit live avant la fin de l'émission. Be what I wanna be, see what I wanna see. Nobody can stop me. I smile to my enemy. Be what I wanna be, see what I wanna see. Nobody can judge me. Même si je vous entends pas, vous le faites derrière votre écran, derrière vos casques, etc. Les auditeurs de la radio FPP. Yeah, on est dans l'émission Colombie. I'm gonna be what I wanna be. See what I wanna see. Nobody can stop me. I smile to my enemy. I'm gonna be what I wanna be. See what I wanna see. Nobody can judge me. Yeah, nobody can judge we. Ok, être sans V, être vrai, sans V, vrai. Mais dis-moi qui moun ki peut arrêter moi. Avec mes en papé qui guide moi. Pourquoi dans une en papé c'est témoin. Ville yo si red kay belle. Profite pas mini yon cadeau sorti en ciel. La vie ka banouille, hi ka rote. Fais en sorte que yon toujours dormi côté. Be what I wanna be. See what I wanna see. Nobody can stop me. I smile to my enemy. I'm gonna be what I wanna be. See what I wanna see. Nobody can judge we. On peut pas nous juger sur FPP. Yeah. My comme en moi en cap parler bye. Comme moi, que en moi, ham en moi c'est taille. On veut être bien, on veut voir clair. Vivre en harmonie avec entourage en moi. En père, j'ai vu nous rejoindre moi. Évadez-moi en monde là ça, car on vous zinzin. Yeah, on lâche si tête en moi, on peut qu'on fait aïe. On sentiment que fila sans guidon, sans frein. Run it, nous pas ni temps à perdre. Ça qu'a fait tant temps y'en est. Bâton en haut ça fait. Yeah, obligé forger moi en mental en si moi. Et moi si les autres, changer yo trouvé moi. Be what I wanna be. See what I wanna see, Colombie. Nobody can stop me, yeah. I smile to my enemy, yeah. I'm gonna be what I wanna be, Colombie. See what I wanna see, yeah. Nobody can judge me, yeah, yeah. C'était G-Scalp, son projet s'appelle G-Fit, le 10 juin. Renseignez-vous pour la Big Session 63 Prod. Et on va rendre l'antenne tout de suite. La semaine prochaine, on recevra La Gâchette pour le projet Flexence et spécial hip-hop créole. Connectez-vous et merci beaucoup.